L'effroi détruit la matière, le matériel inférieur de l'esprit, qui est les conditions de l'ego, qui le rendent susceptible à la condition humaine, l'émotion, la mentalité, le raisonnement, patipatata. C'est cette superimposition-là que j'appelle l'effroi. Et l'ego subit et vit l'effroi selon son insécurité. Plus vous avez d'insécurité, plus vous vivrez d'effroi. Moins vous avez d'insécurité, moins vous vivrez d'effroi. Puis il y a des effrois que vous vivrez qui seront simplement des passages d'un monde à un autre monde. Des conditions vibratoires, magnétiques, des barrières. Alors, il y a comme un effroi, là. Mais c'est pas le même effroi que l'effroi de l'ego. C'est un autre effroi. C'est une condition que vous devez dépasser en esprit pour aller plus vite dans les champs de la lumière, et ainsi de suite. Mais plus il y a d'insécurité, plus il y aura de l'effroi. Plus vous avez pâti dans votre vie d'insécurité pour toutes sortes de raisons, plus il y aura de l'effroi. C'est comme du cristal. Toutes les expériences qu'on a vécues dans le passé, ça forme comme un genre de cristal faible avec une faille. Puis quand l'esprit rentre là-dedans, le cristal shake. Les parties tombent, puis tombent, puis tombent, puis tombent. Oui, ça ajuste, puis ça ajuste. Il n'y a pas un effroi qui n'est pas. Il n'y a pas un effroi, quelle que soit sa dimension, qui n'est pas assujettissable par l'esprit. Mais il faut que tu sois dans ton esprit, parce que si tu es dans ton ego, ben, tu craques. C'est évident. Mais si tu es dans ton esprit, il n'y a pas un effroi qui peut être qui n'est pas assujettissable par l'esprit. C'est là que tu réalises la puissance de l'esprit. C'est là que tu réalises ta sécurité. C'est là que tu réalises ton bien-être. C'est là que tu peux prendre sur toi-même le pouvoir de l'esprit, la présence de l'esprit, la vibration de l'esprit dans ton être matériel et t'en servir. Là, tu vis une vie pleine. Mais il faut qu'on réalise que notre esprit est généré par un autre esprit. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'habitue pendant un certain temps à connaître la nature de nos pensées, pour connaître la nature de notre intelligence, pour connaître l'approximativation de notre intelligence avec la nature du réel psychologique de l'ego. Parce que la seule fonction de l'esprit qui génère l'esprit, c'est de faire comprendre à notre ego qu'il est important pour lui de rentrer dans son esprit. Une fois que l'homme est dans son esprit, il n'a plus besoin de communiquer avec l'esprit qu'il génère. Il est dedans. Il est un avec. Plus là. Travaille avec. Alors, il y a des étapes de conscientisation, dont une, la communication, le regard de nos pensées, la compréhension de nos pensées, la compréhension des mécanismes de nos pensées, voir le jeu de nos pensées, toute la patente qui se passe dans nous autres, dans la transmutation, c'est très important. Puis éventuellement, mais, ça se cale. Il n'y en a plus de ça. On est dans notre esprit. L'homme, le surhomme, n'a pas de choix. Le surhomme n'a pas de choix. C'est pour ça que je dis que le surhomme ou l'homme qui va vers cet état d'esprit sera obligé de vivre des états d'esprit, tu sais, plus ou moins difficiles. Steiner appelait ça le gardien du seuil. Bien de seuil. Mais c'est expliqué d'une façon symbolique, en relation avec la condition astrale de l'esprit, mais non la condition mentale de l'esprit. La différence entre moi et Steiner, moi, c'est que je m'occupe de la condition mentale de l'esprit, pas la condition astrale de l'esprit. Ça ne me suffit pas, la condition astrale de l'esprit. Mais ça permet de comprendre les aspects de la condition mentale de l'esprit. Parce que quand tu comprends Steiner, tu comprends automatiquement les mécanismes d'entrée dans le mental de l'esprit. Mais ce qui arrive, c'est que les gens restent pognés dans la philosophie de Steiner. C'est pour ça que c'est bon la philosophie, mais c'est pour ça que c'est pas bon la philosophie. C'est pour ça que c'est bon la psychologie, mais c'est pour ça que c'est pas bon la psychologie. C'est pour ça que c'est bon tout ce qui nourrit l'ego, mais c'est pour ça que c'est pas bon ce qui nourrit l'ego. T'sais. Parce que l'esprit dirige instantanément le fil de toute son évolution. Tout. L'esprit travaille, il dirige le fil de son évolution. Instantanément. Sur tous les plans, même en matière. L'esprit, c'est une présence corporelle. L'esprit, c'est une présence corporelle. Puis l'homme de la sixième race le reconnaîtra que l'esprit, c'est une présence corporelle. Non, je ne l'explique pas tout de suite. Mais je vais l'expliquer un jour. Quand je vais expliquer la mécanique et la nature du corps bronciel et sa fonction à l'intérieur du gouvernement visible. L'esprit, c'est une présence corporelle. C'est pas important pour vous autres. Moi, quand je vous parle simplement pour vous parler. Je vous parle pas pour vous donner de l'enseignement. Je vous parle pour vous parler parce que ce que je vous dis fait partie de l'esprit. Fait qu'automatiquement, quelque part, dans le temps, vous allez faire une connexion. Puis quand vous allez faire une connexion, mais votre esprit devient plus grand. C'est pour ça que je vous parle. Même que tu comprendras dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 mois, dans 2 semaines. C'est pas important. Parce que moi, quand je vous parle, je comprends rien. La grande qualité de moi, c'est que je comprends rien. Parce que moi, je suis rien. C'est ça, je comprends. Si je comprends quelque chose, je ne pourrais pas vous parler comme je parle. Parce que mon ego ferait interférence avec l'esprit, j'arrête de l'ego. C'est pour ça que j'aime ça vous parler, parce que j'apprends même les affaires. Mais le monde ne comprend pas ça. Il pense que j'ai tout ça ici dans des petites boîtes. Parce que l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'esprit. Il pense que c'est de la petite fumée. C'est une présence corporelle, l'esprit. Ça va loin, les lois de l'esprit. Moi, je vous garantis qu'avant la fin du cycle, viendra sur la terre un homme, ou sera sur la terre un homme, ou sera vu sur la terre un homme, ou sera perçu sur la terre un homme qui sera esprit densifié. Mais ça va te pire. Il sera esprit. Tellement dense que les gens pourront le voir avec leurs yeux. Puis passeront un couteau à travers. Il restera là pareil. Il sera aussi dense que les gens pourront le voir. Quand ces temps-là vont venir, les gens sont mieux de checker le pip. C'est une présence corporelle, l'esprit, mon cher. Pas de la petite fumée. Ça peut être de la petite fumée, mais ça peut être une présence corporelle. C'est pour ça que j'insiste pour que les gens comprennent et réalisent l'importance de vivre dans leur vie l'effroi et de ne pas s'effrayer de l'effroi. Que l'homme apprenne à ne pas s'effrayer de l'effroi. Même s'il s'effraie, il ne peut pas faire autrement. Mais ne pas s'effrayer de l'effroi. Après l'expérience. Que tu t'effraies dans l'expérience, c'est normal, c'est le choc vibratoire. Mais après que tu t'effraies, là, c'est intelligent, c'est psychologique, tu fais de l'overtime. Et la conscientisation de l'effroi. C'est-à-dire la capacité à l'ego d'absorber l'énergie de l'esprit et le pont entre lui et l'esprit. C'est le pont. C'est un pont entre l'ego et l'esprit qui devient de plus en plus plus court, puis éventuellement, c'est un. Je dis pas si les gens ne savent pas, si les gens ne t'ont pas expliqué, si les gens n'ont pas donné l'instruction. Là, je pourrais voir que les gens s'inquiètent, c'est normal. Quand tu comprends pas, tu comprends pas. Mais quand tu comprends, puis quand il y a autant de matériel donné à l'homme pour expliquer la nature de l'ego, la nature de l'esprit, puis les mécanismes de l'ego, comme je fais, il n'y a pas de raison que les gens en arrivent à être bloqués dans des tunnels. Pas de raison. Puis s'ils se bloquent, c'est parce qu'ils se toquent. Ils sont toqués. Puis la toquade, c'est mauditement dangereux pour vous autres. La toquade, c'est un refus de l'ego d'absorber l'intégration avec l'esprit. Fait qu'il frappe à la porte, puis il frappe. Puis s'il faut qu'il rentre parce qu'il sait, il va défoncer la porte, sacrement un jour. Je vous garantis qu'il va défoncer la porte. C'est garanti. Quand même, vous feriez n'importe quoi, il va défoncer la porte. Parce que vous êtes marqués pour la transmutation. Ceux qui le sont. Mais les lois demandent que l'homme soit instruit quand que l'esprit entre dans un nouveau cycle d'évolution. Les lois demandent que l'homme soit expliqué. Les lois demandent que l'homme ne rentre pas dans cette expérience sans connaissance acquise pour relever et donner à son expérience une valeur intelligente. Et c'est fait. Alors, c'est à l'homme d'écouter puis de réaliser ce qui se passe dans son expérience en relation avec cette instruction-là. Mais c'est toujours l'homme qui demeure foncièrement le juge de la valeur de son expérience. C'est tout le temps. Un initié, c'est pas un vendeur de produits. Un initié, c'est un homme libre et un homme seul. C'est une voix dans le monde, un initié. Puis dans le monde. Puis un avatar, c'est une voix dans le cosmique, dans le cosmos. C'est encore plus vaste. Fait que c'est à l'homme de savoir, c'est à l'homme de sentir, c'est à l'homme d'être de plus en plus dans son esprit. Parce qu'il n'y aura pas une pierre, il n'y aura pas une condition de l'ego qui ne sera pas expliquée à l'homme avant la transmutation. Tout va être expliqué à l'homme. Fait que l'homme aura tout le matériel. Chaque ego aura le matériel dont il a besoin pour passer un mort. Tout. Fait que l'ego n'a pas de raison. Fait que si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'est pas assez évolué. Le froid, c'est important. Puis si vous le vivez à un niveau ou à un autre, c'est important. Puis vivez-le, puis attendez que ça se passe. Rationalisez pas dessus, puis pensez-y pas. C'est le passage de l'énergie d'esprit dans votre ego pour alimenter votre mental, votre émotionnel, votre vital, puis votre physique. Pour qu'un jour, l'esprit puisse s'étamper sur ces principes-là, puis les faire vibrer, ces principes-là. On ne peut pas imposer de conditions à notre évolution. C'est impossible. On doit la vivre à son rythme, selon les conditions. On ne peut pas imposer de conditions à notre évolution. Parce que, comme je disais, si on avait le choix, on ne le ferait pas. Si on était sur l'autre plan, les autres plans, puis on verrait ici, là, on le ferait. Ben, on l'a perdu, ce mémoire-là. On ne l'a plus, ce mémoire-là. Fait qu'automatiquement, à cause de la densité des corps, on ne le ferait pas. Pourquoi souffrir? Il y a des hommes qui sont prêts à mourir au lieu de souffrir. Quand tu parles d'un texte, des souffrances des enfants de la lumière, ils en parlent, puis c'est ça. Les enfants de la lumière, ceux qui rentreront dans les textes, devront souffrir. C'est une condition cosmique de l'homme. C'est pour ça qu'il n'y en a pas un grand nombre sur la planète. Il y en a un certain nombre. Évidemment, moi, j'aurais une question. C'est avec l'intelligence qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est l'amour et la volonté. Mais est-ce que moi, en tout cas, ça me dit ça souvent, que il y a des gens, sûrement ici, là, à soir, qui ont vécu dans le temps qu'ils avaient. Ils ont vu ce que c'était l'amour, ils l'ont peut-être pas compris à 100%. Ils sont ici parce que tu as déjà dit que pour évoluer, il fallait pas évoluer d'abord. Hein? Il fallait rétrograder pour avancer. Et moi, ça me choque. J'ai dit que sûrement j'étais au temps du Nazaréen, parce que c'est trop facile, ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez que vous étiez au temps du Nazaréen? Je sais pas pourquoi. Demandez-vous les dents. C'est une affaire d'évolution, ça. C'est une affaire d'évolution. Ça n'a rien à faire avec le temps des Nazaréens. On était tous des sans-dessins dans ce temps-là. Oui, mais quand même, avant, il y a eu le temps des Valences. Il y a sûrement eu un initié qui est venu. Non, il y a eu des évolutions qui se sont faites. Les gens ne viennent pas. Il y a des gens sans terre qui ne viennent pas de la terre, qui ne viennent pas du système solaire. Il y a des égaux qui ne viennent pas du système solaire, qui ont fini leur évolution dans le système solaire depuis très longtemps, qui viennent pour des raisons particulières. Il y a bien du monde sans terre. C'est pas parce que les gens ont une réceptivité à ça qu'ils sont nécessairement liés au plan historique du Nazaréen. Ça peut être dangereux, ça. Ça nous amène à spiritualiser notre nature. Faut pas qu'on la spiritualise, notre nature. Faut qu'on la détruise, notre nature spirituelle. Ce qui empêche l'homme d'être dans son esprit, c'est parce qu'il y a une nature spirituelle. L'esprit, c'est de l'intelligence. L'air du verso, c'est l'air de l'intelligence. Quand un homme sera intelligent, il saura qu'est-ce que c'est de l'amour, puis il vivra ça dans l'éthérique, il vivra pas ça sur la planète. L'amour, c'est pas fait pour être vécu sur la planète. C'est ça que ça n'a jamais été compris. L'amour catholique, l'amour qui provient du testament du Nazaréen, c'est simple, c'est une force sociale. C'est pas un pouvoir humain. Rien que lui, il avait ce pouvoir-là. Pourquoi c'est parce que ça demande de l'amour pour descendre la matière. L'amour, c'est une force. L'amour, c'est un principe qui propulse les êtres dans le cosmos, qui les force. C'est comme une motivation. Fait que ça prend ce principe-là pour faire descendre des êtres comme le Nazaréen dans la matière. C'est pas par intelligence, c'est pas par volonté, c'est par amour qu'ils le font. Parce qu'ils voient le grand plan cosmique, c'est ça. Mais c'est pas un amour comme on voit. Nous autres, l'amour, c'est de l'amour viscéral qu'on vit. C'est de l'amour de poisson. Pas de l'amour. Il n'y en a pas d'amour sans terre. C'est impossible qu'il y ait de l'amour sans terre parce qu'il n'y a pas d'intelligence. C'est un sentiment d'amour qu'on vit sans terre. Une forme d'amour spirituel ou autre. Pas de l'amour. Les hommes ne savent pas qu'est-ce que c'est de l'amour. C'est un pouvoir créatif, l'amour. Le monde me fait fâcher quand il me parle d'amour. Il n'a pas d'amour sans terre, puis il n'a jamais eu. C'est le Nazaréen qui l'a vécu, ce principe-là, pour sa propulsion dans la matière. Sa seule fonction, c'était pas d'amener de l'amour sans terre, c'était d'ouvrir les circuits universels. Les gens pensent qu'il est venu ici pour donner de l'amour à l'homme. Parce que tout le monde veut se faire beurrer sa tartine. Parce qu'on est tous des tartes. S'il était venu ici pour qu'il y ait de l'amour sans terre, lui, il y en aurait de l'amour aujourd'hui. On serait dans un autre cycle d'évolution. Il n'est pas venu ici pour ça. Il était amour. Fait que parce qu'il était amour, tout le monde pensait qu'il est venu ici pour vous donner de l'amour. Il est venu ici pour vous ouvrir les circuits universels pour qu'aujourd'hui nous aurons pu se communiquer. C'est ça qui est venu. Mais l'Église, elle a fondé sa théologie et toute sa psychologie sur ça. C'est ça qui a donné naissance à une religion. Parce qu'une religion, il faut que ce soit nourri de quelque chose. Fait que l'Église satellite, son principe fondamental, c'était l'amour. Le bouddhisme, c'est d'autres choses. Le mahométanisme, c'est d'autres choses. On peut pas juger les affaires du monde par notre ego. Quand je dis qu'on est totalement ignorant, moi, je veux dire quoi? Je veux dire que l'ego est totalement ignorant. Totalement ignorant. La preuve, c'est que plus je parle, plus je détruis des formes. Fait que c'est une preuve qu'on est totalement ignorant. L'amour. L'amour qu'on connaît sur la Terre, c'est un mot qui est en relation avec notre nature animale, notre corps astral. C'est pas un amour qui est en relation avec notre corps mental. Les gens qui commencent à se conscientiser, là, qui s'aimaient avant, là, puis mon nous, mon toutou, là, puis qui commencent à se conscientiser, puis qui commencent à rentrer dans le mental, puis qui s'aperçoivent qu'ils sont plus capables de dire mon nous, mon toutou, là, ils sont tous énervés, là. Parce qu'ils sont pas capables de vivre cet amour-là. C'est trop abstrait, cet amour-là. Ils voudraient se tutouer encore, puis toutouner encore. Et le gars, il dit, tu m'aimes plus? Là, on a dit, je t'aime, mais d'une autre façon. L'autre, il est tout perdu, là. Tu sais, parler d'amour. Vous me faites mourir avec votre amour. Les autres, ils disent, ah, vous pensez que vous autres, faire des petits, il faut être en amour. Mais heureusement que vous soyez obligés d'être en amour, faire des petits, sans ça, vous en feriez tout partout. Quand tu regardes les choses de l'homme, quand tu regardes la vie de l'homme, quand tu regardes l'homme d'après eux autres, d'après l'esprit, je te dis que c'est un autre pays de langue. Il passe ton temps à rire au nez. Pensez que c'est le fun, vous êtes dans l'intelligence. Attends, un jour, quand vous serez dans l'intelligence, alors que c'est pas aussi le fun que vous pensez, parce que tu vas être l'air en maudit. L'amour. On aime ce qui fait notre affaire. Dis-moi que ça fait notre affaire. Moi, il y a des gens, à cause du fait, là, à cause de mon travail, il y a des gens qui sortent de certains organismes ésotériques puis occultes. Là. Puis à cause du fait là, que ces gens-là sortent de ces organismes puis qui viennent dans mes séminaires ou qui commencent à prendre du matériel que je dis, là, les autres pensent que je fais de la magie noire. Parler d'amour. Moi, toutes les crises à terre, ces organisations-là, toutes, dans le monde entier. Je commence au Québec. Moi, toutes les maladaires. Rose-Croix, Templiers, toutes mes mettent à terre. Et qu'encore, science cosmique, m'a toutes les mettre à terre. Il n'y aurait plus de ça après, mais j'ai fini. Ça fait partie de ma job. Fait que, inquiétez-vous pas. C'est normal. L'amour. Là, ils sont tous en amour là-dedans, là. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas capables d'en mettre un peu, puis d'en regarder, puis d'en mouver vers moi de l'amour, puis dire, bon, ben, Bernard à Montréal, là, il dit, il fait quelque chose, là, au lieu d'avoir peur que le crise d'organisation tombe à terre. Elle va tomber, oui. Cassez-vous pas la tête. OK. L'homme a un moyen précieux pour dénaturer son esprit. Il a un moyen précieux qui lui permet de voir, de mesurer, de saisir où son ego fait interférence avec son esprit. Il y a un moyen de vérifier sur le champ. Là où c'est pas son ego, c'est son esprit. Ou là où c'est pas où c'est son esprit et c'est pas son ego. C'est un moyen extrêmement subtil, très riche en possibilités pour le développement de l'intelligence, très riche en possibilités pour l'organisation de sa vie matérielle, et très riche en possibilités aussi pour relaxer sa vie mentale. Et ce moyen-là a deux aspects. Le premier aspect, c'est celui-ci. Le premier aspect, il est fondé sur le principe que lorsque l'homme canalise l'énergie qui vient de l'esprit, ce qu'il canalise ou l'information qu'il donne ou qu'il canalise, ne doit jamais être pour le bénéfice de l'ego. Si le moindre, quand vous parlez, ce que vous dites, s'il ne sert pas à bénéficier l'ego, à faire vibrer l'ego, à donner à l'ego un plaisir personnel. S'il ne donne pas rien à l'ego, à ce moment-là, ça vient de l'esprit. Si cette condition-là n'est pas remplie, automatiquement, il peut y avoir de l'esprit, de l'intelligence, mais elle ne sera pas parfaitement canalisée. C'est-à-dire qu'il y aura dans l'ego de l'astralité, qui empêchera que cette intelligence passe d'une façon précise et parfaite et puisse faire un travail précis et parfait et puisse être reçue par un autre ego précisément et parfaitement. Mais aussitôt que l'ego canalise de l'information et que cette information lui fait plaisir, le fait vibrer un petit peu, ça ne vient pas de l'esprit. Parfaitement. Ça peut venir un petit peu de l'esprit, un petit peu plus de l'esprit, mais l'astral colorera cette information-là et automatiquement, elle ne sert pas l'homme, elle sert l'ego. Et quand je dis qu'elle ne sert pas l'homme, je veux dire que vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas jamais vous en servir d'une façon créative. Vous ne pourrez jamais écrire des livres avec. Vous ne pourrez jamais faire de conférences avec. Parce que les égos le rejetteront. Pour que les égos ne puissent pas rejeter du matériel qui vient de l'esprit, il faut que ce matériel soit totalement épuré, qu'il soit totalement libre d'une vibration quelconque dans l'ego qui fait plaisir à l'ego, qui donne à l'ego un support, qui fait vibrer l'ego, qui crée une réflexion en lui. Et si vous vous habituez à regarder, à vous regarder quand vous parlez, vous regardez dans le sens de vous voir parler. Vous pourrez percevoir les vibrations qui s'enregistrent instantanément dans l'ego et c'est là que vous pourrez mesurer jusqu'à quel point il y a de l'astralité dans votre intelligence. Le deuxième aspect, c'est que là où l'esprit est engagé dans l'ego comme canal, l'ego doit être capable de dire n'importe quoi. N'importe quoi. L'ego ne peut pas conditionner le courant. L'ego ne peut pas conditionner ce qui passe à travers de lui. S'il conditionne ce qui passe à travers de lui, c'est une coloration astrale. Et le langage n'a pas de valeur créative. Il peut avoir une valeur constructive, philosophique, psychologique, mais il n'a pas de valeur créative. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire avec ce langage dans le monde. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de pouvoir. Et un homme qui en vient à déterminer à pouvoir déterminer la qualité de cette énergie qui passe à travers son ego et qui en arrive à pouvoir la canaliser d'une façon suffisamment désengagée de lui, à ce moment-là, cet homme-là peut commencer à s'étudier. Et quand je veux dire s'étudier, je veux dire qu'il peut commencer, parce qu'il a son esprit est suffisamment raffiné, il peut commencer à voir la nature de sa grandeur. Et la nature de sa grandeur, c'est la nature de son esprit. Et il doit être capable de supporter la nature de sa grandeur. S'il n'est pas capable de supporter la nature de sa grandeur, il y aura en lui de l'astralité, et cette astralité lui fera sentir un sentiment de fausse humilité ou d'orgueil. Et automatiquement, il perdra la vision de lui-même, parce qu'il n'aura pas suffisamment d'intelligence pure canalisée dans son ego. Et automatiquement, il se saura moins. Et un homme qui se sait n'est pas un homme qui parle de lui-même, mais est un homme qui dit quelque chose de réel. Alors, ce savoir, ça ne se comprend pas par philosophie ou philosophiquement, même si on parle de se savoir soi-même. Ce savoir veut dire être capable de canaliser l'information qui vient de l'esprit. C'est ça, ce savoir. Parce qu'il y a un tranchement d'énergie dans le phénomène de canalisation. Quand on canalise de l'information, on la canalise vers l'âme, mais on la canalise aussi à travers soi. De sorte que lorsque l'on parle, on s'aperçoit de ce que l'on dit. Et en s'apercevant de ce que l'on dit, on s'aperçoit de ce que l'on sait dans le moment où l'information se situe. Et cette aperception nous permet de reconnaître la nature de l'intelligence qui passe en soi. Et lorsqu'on reconnaît la nature de l'intelligence qui passe en soi, on reconnaît la nature de notre esprit. Et en reconnaissant la nature de notre esprit, on apprend à se connaître soi-même par le fait même. C'est ça, se connaître soi-même. C'est pouvoir reconnaître la nature de son esprit. Et on a toujours la nature de l'esprit qu'on a de besoin. On n'a jamais la nature de l'esprit qu'on n'a pas de besoin. Alors, c'est inutile pour un homme de chercher ce qu'il sera dans 2000 ans, ou dans 200 ans, ou dans 2 ans, parce que l'esprit ne peut lui révéler ce qu'il est que dans le moment où il informe le monde. Soit par la parole dirigée vers l'homme, ou par la parole perçue en lui quand il la dirige vers l'homme. Si l'esprit, pour une raison ou une autre, dévoilait à l'homme des intentions de destinée, autrement dit, dévoilait à l'homme son programme de vie future, c'est parce qu'à ce moment-là, l'homme serait totalement dans l'esprit et il n'y aurait plus de réflexion en lui, et ceci permet à l'homme de comprendre parfaitement sa destinée et comprendre tous les aspects de sa vie. Mais à ce moment-là, l'homme doit être suffisamment mental, autrement dit, suffisamment sans émotion, pour subir le choc de la révélation de lui-même. Parce que quand l'esprit révèle à l'ego sa destinée, l'ego est obligé d'apprendre tous les aspects de cette destinée. Alors, si l'esprit dit à l'ego, par exemple, je donne un exemple totalement hors contexte, là. Mais supposons que on va prendre l'exemple du Nazaréen. Si l'esprit dit au Nazaréen, tu seras crucifié à Jérusalem, il faut que lui puisse prendre le choc. Alors, selon que l'homme puisse prendre le choc de la révélation de sa destinée qui lui est donnée par l'esprit, à ce moment-là, il est plus ou moins grand dans la science de son être. Il est plus ou moins grand dans la science de sa destinée. Il est plus ou moins grand dans la science du monde, dans la science du cosmos, dans la science de l'évolution, dans la science de son rapport avec les âmes, dans la science de son rapport avec l'invisible, ainsi de suite. Alors, c'est très important pour l'homme ça fait toute partie du choc de l'effroi. Les gens s'imaginent que, à tort, que c'est plaisant pour un homme d'être grand dans le monde, ou être grand dans la vie, ou être grand cosmiquement parlant, et ce n'est pas plaisant. Parce qu'un homme qui est informé de son rôle dans le monde, physique ou occulte, est obligé d'assumer la charge, pas la responsabilité, mais la charge de son activité en relation avec le travail de l'esprit dans lui qui doit le canaliser. Alors, automatiquement, l'homme est assujetti par le poids de sa nature et il doit être suffisamment robuste dans le mental et l'émotionnel et le physique et le vital pour assumer le choc vibratoire de cette révélation interne et être capable de la vivre et de poursuivre sa vie avec cette connaissance sans être troublé dans son esprit, autrement dit dans son ego. Alors, c'est beaucoup plus important pour l'homme de découvrir petit à petit la nature de son esprit que de connaître le secret de sa vie. C'est pour ça qu'il sera caché aux hommes le secret de leur vie. Et quand je parle des hommes, je parle des hommes qui iront vers l'immortalité. Le secret de leur vie leur sera caché. Et ils le découvriront seulement à un certain moment à la fin du cycle. Mais parce qu'à ce moment-là, la fusion sera suffisamment avancée pour qu'ils puissent voir dans les terres. Et à ce moment-là, ils ne souffriront plus la condition humaine supportant un événement qui est cosmique, dont la nature et les conditions peuvent être insoutenables pour un ego qui a encore de l'émotivité et qui n'est pas en fusion. Mais dans le cas de l'expérience temporaire, dans le cas de l'expérience de l'homme qui va vers la transmutation, il vient un point où l'homme est mis face à face avec lui-même, vibratoirement. Et ce face à face avec lui-même qui est vibratoire crée dans l'homme une sorte de dépression, une sorte de grande solitude, une sorte de coupure avec le monde matériel, une sorte de perte. C'est comme s'il perd quelque chose, il perd quelque chose dans le monde matériel. Il ne peut plus fonctionner comme il fonctionnait avant. Et ça crée dans l'homme une certaine tristesse, une certaine lourdeur. Et cette lourdeur-là, éventuellement, il en arrive à pouvoir la comprendre, à la supporter et à pouvoir ne plus en souffrir. Et au fur et à mesure qu'il dialogue avec les hommes ou qu'il parle, il entrevoit des aspects de la nature de son esprit. Et c'est ça qui lui permet de supporter la lourdeur de la révélation vibratoire qui est en lui. Les hommes qui iront vers l'immortalité vivront des expériences lourdes. Lourdes dans plusieurs sens. Lourdes dans le sens que l'expérience humaine présente leur semblera longue, pénible, étirée, sans valeur astrale. Tant que l'homme est astral et qu'il fonctionne sur la planète, ça va. Parce que c'est une belle planète. Alors, automatiquement, il y a un lien entre l'astral et la planète. Mais lorsque l'homme rentre dans le mental pur, à ce moment-là, la planète perd un peu de sa valeur et l'homme doit se reconstruire une vie. C'est là que je parlais à soi de la construction de notre propre vie. Et l'homme ne peut pas se reconstruire une vie tant qu'il n'est pas dans l'esprit. Et lorsqu'il est dans l'esprit, il y a une période de temps où il n'est pas capable de vivre la totalité, la perfection de cette construction-là, parce qu'il est encore en voie d'acheminement vers l'intégration totale de l'esprit avec son ego. Son corps mental, son corps astral, son corps vital, son corps physique ne sont pas ajustés. Alors, automatiquement, il peut vivre une vie pendant un certain nombre d'années qui est un peu ralentie par rapport à celle des hommes et un peu lourde, ou très lourde, selon la nature du travail que fait l'esprit sur son ego. Mais dans cette expérience-là, l'homme apprend à connaître la nature de son esprit et apprendre la nature de notre esprit, ce n'est pas facile. Parce qu'on est obligé, quand on apprend la nature de son esprit, on est obligé de ne plus s'intéresser au monde de l'homme. On en arrive éventuellement à ne s'intéresser qu'au monde de l'esprit. C'est-à-dire qu'on en arrive à vivre simplement d'une vie mentale. Et on peut arroser le monde de l'homme, le monde de la matière, de notre vie mentale, mais on ne peut jamais sortir de notre vie mentale. Exemple, on peut aller dans un club et prendre un verre, mais on va parler encore dans le mental. Avant, on était dans le club, puis on était rien que dans le club. Là, t'es plus rien que dans le club. T'as amené ta tête avec toi dans le club. Fait que tu peux plus sortir de ça. Parce que ton esprit est trop présent dans ton ego. Mais par contre, dans cette expérience, l'homme en arrive à connaître tellement la nature de son esprit qu'il en arrive à vivre avec cette nature. Et c'est là qu'il commence à être bien dans son esprit. Quand l'homme est bien dans son esprit, il n'a plus besoin de vivre sur le plan matériel. Il peut vivre sur le plan matériel, il vit sur le plan matériel, il doit vivre sur le plan matériel, mais il n'a plus besoin de vivre sur le plan matériel. La raison pour laquelle je vous dis ça, parce que ça, c'est des étapes qui vont venir avec les années, mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour engager votre esprit à regarder de près sa nature. À vous habituer à vivre dans votre esprit, dans votre intelligence. Pour que vous en arriviez à être suffisamment intelligent, parce qu'il faut apprendre à vivre dans notre intelligence pour être intelligent. Pour en arriver à vivre suffisamment dans notre intelligence qu'à un certain moment donné, le monde matériel ou ce qui se passe dans le monde matériel ne peut plus nous affliger. Un homme qui vit dans son esprit est automatiquement protégé du monde matériel. Parce qu'il y a eu un déplacement du centre de gravité de son intérêt. Avant, le centre de gravité de son intérêt était dans le corps astral, dans la conscience astrale de l'ego. Et maintenant, le centre de gravité est dans la conscience mentale de l'homme. Et automatiquement, il n'est plus affligé par le monde matériel. Et comme il développe de plus en plus d'intelligence, il est capable de reconstruire sa vie et en arriver un jour à se faire une petite vie, un petit train de vie qui coïncide parfaitement avec la nature de son intelligence et qui convient parfaitement à son ego. Et quand l'homme peut vivre une vie qui convient à son ego et à la nature de son intelligence, il vit une vie très, très, très, très bien qui peut être enviée par tous les hommes, riches ou pauvres. La vie à ce moment-là est très belle, puis même si ça va très mal dans le monde, puis l'homme, ça chemine lentement vers sa propre destinée. Mais quand l'homme parle, l'homme, j'écoute des gens qui parlent, et les gens perdent énormément d'énergie à parler. Les gens, on ne sent pas chez les gens beaucoup d'intelligence, on en sait un petit peu. Des fois, on en sait un petit peu plus. Des fois, on en sent un petit peu plus. Des fois, on n'en sent pas pantoute. Parce que de l'intelligence, ça se sent. Ça se perçoit. L'intelligence, ça a une vibration, ça a une particularité. Dans ce sens que ce n'est jamais en erreur de l'intelligence.